L'épreuve du faux messie. Son épreuve est la plus grande depuis qu'Allah Azawajal a créé Adam, alayhi salam, et jusqu'à la venue de l'heure. Cela est dû au prodige grandiose qu'Allah lui octroiera, troublant la raison et faisant perdre la tête. Il est rapporté qu'il dispose d'un jardin et d'un feu. Son jardin est feu et son feu est jardin. Il dispose également de fleuves d'eau et de montagnes de pain. Il ordonnera au ciel de faire tomber la pluie qui s'exécutera et à la terre de faire pousser sa végétation qui s'exécutera. Les trésors de la terre le suivront et il parcourra la terre à une vitesse ahurissante, aussi rapide que la pluie chassée par le vent ainsi que d'autres faits extraordinaires. Tout ceci a été rapporté dans des hadiths authentiques, parmi lesquels le hadith relaté par Muslim d'après Hudhayfa radhiyallahu anhu qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le faux messie est borgne de l'œil gauche, a une chevelure abondante. Il a à sa disposition un jardin et un feu, son feu est jardin et son jardin est feu. Hudhayfa radhiyallahu an rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je connais mieux ce dont dispose le faux messie que lui-même. Il dispose de deux fleuves qui coulent, l'un est à vue d'œil, une eau transparente, et l'autre semble à vue d'œil être un feu attisé. Si cela arrive à l'un de vous, qu'il aille au fleuve qu'il croit être un feu, qu'il ferme les yeux, puis qu'il baisse la tête et en boive, car il s'agit d'une eau fraîche. Rapporté par Muslim. Dans le hadith d'An-Nawas ibn Sam'an, radhiyallahu an, évoquant le faux messie, les compagnons demandèrent: ô messager d'Allah, combien de temps demeura-t-il sur terre? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, 40 jours. Un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste des jours comme vos jours habituels. Ils demandèrent: quelle est sa vitesse de déplacement sur terre? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, comme la pluie chassée par le vent. Il viendra à un peuple et les invitera à le suivre. Ils croiront en lui et répondront à son appel. Il ordonnera au ciel de pleuvoir, à la terre de faire pousser sa végétation, et leur bétail reviendra au soir plus nombreux, les pies plus ballonnés et plus gras que jamais. Ensuite, il ira à un peuple, les invitera à le suivre et ils refuseront ses propos. Alors, il les laissera et le lendemain, ils retrouveront leur terre asséchée, ne possédant plus rien de leurs biens. Il passera près d'une ruine et lui ordonnera: « Fais sortir tes trésors ». Ainsi, ses trésors le suivront tels les abeilles suivant leur reine. Par la suite, il appellera un homme débordant de jeunesse, le frappera d'un coup d'épée et le coupera en deux parties aussi rapidement qu'une flèche atteignant sa cible. Il l'appellera ensuite et le voici qu'il se dressera devant lui le visage rayonnant de joie en souriant. Rapporté par Muslim. Abu Sa'id al-Khudri, radhiyallahu an, rapporte que cet homme que le faux messie tuera fait partie des meilleurs hommes ou est le meilleur des hommes. Il ira à la rencontre du faux messie en partant de la ville du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dira au faux messie: je témoigne que tu es le faux messie dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a conté le récit. Et le faux messie de dire: voyez-vous, si je tue celui-ci puis le ressuscite, douterez-vous encore? Ils répondront: non. Alors il le tuera, puis le ressuscitera, et l'homme dira: par Allah, je n'ai jamais été aussi clairvoyant à ton propos qu'aujourd'hui. Le faux messie voudra le tuer, mais il n'en aura plus le pouvoir. Il y a aussi le hadith d'Abu Umama al-Bahili que nous avons cité précédemment. Et parmi son épreuve, il dira à un bédouin: « Vois-tu, si je ressuscite ton père et ta mère, attesteras-tu que je suis ton Seigneur ?» Il dira « Oui ». C'est alors que deux démons se manifesteront sous la forme de son père et de sa mère en disant « Ô fils, suis-le, car il est ton Seigneur. » Nous demandons à Allah Azawajal le salut et cherchons auprès de lui refuge contre les épreuves. La réfutation des négateurs de l'apparition du faux messie. Les hadiths précédents prouvent le caractère notoire de l'apparition du faux messie à la fin des temps et que c'est une personne réelle à qui Allah accordera l'effet incroyable qu'il voudra. Le cheikh Mohamed Abdou pense que le faux messie est un symbole pour les légendes, l'imposture et les mauvaises choses. Le cheikh Abu Ubaya l'a suivi en pensant que le faux messie est un symbole pour l'aggravation du mensonge et que ce n'est pas un homme parmi les fils d'Adam, alayhi salam. Cette explication détourne les hadiths de leur sens apparent sans aucune preuve. Voici ce qu'a dit le shir Abu Ubaya en annotation au hadith du faux messie. La divergence dans les hadiths qui ont été rapportés au sujet de l'endroit de l'apparition du faux messie, l'époque de son apparition, et s'il s'agit d'Ibn Sayyid ou d'un autre, indique que ce qui est visé par le faux messie est le symbole du mal, de sa proéminence, son danger, l'accentuation de son mal à certaines époques et la propagation de son méfait dans de nombreux endroits grâce aux moyens de propagation et de troubles durant un certain moment jusqu'à ce que son ardeur s'estompe et que son crime prenne fin grâce au pouvoir de la vérité et à la parole d'Allah, car l'erreur est destinée à disparaître. Il dit également « N'est-il pas plus convenable de comprendre par le faux messie qu'il s'agit du symbole du mal, du mensonge et de la facétie ?» Nous répondons à ces propos en disant que les hadiths sont clairs quant au fait que le faux messie est un homme. Rien n'indique qu'il s'agit d'un symbole pour les légendes, la tromperie et le faux. Il n'y a aucune divergence dans les versions ni aucune contradiction. Nous avons déjà vu la conciliation entre elles et j'ai démontré que la première apparition du faux messie sera à Ispahan, du côté de Khurasan, du côté de l'Orient, comme j'ai démontré ce qui a été dit au sujet d'Ibn Sayyad, à savoir s'il est le faux messie ou pas. J'ai cité les avis des savants à ce sujet. Si cela est clair et que les versions ne comportent aucune contradiction, ni au point de vue de l'endroit de son apparition, ni au point de vue de l'époque de son apparition, plus rien ne pousse à ce que tous deux ont dit. Surtout en tenant compte de ces descriptions mentionnées dans les hadiths prouvant qu'il s'agit bien d'un homme réel. En outre, Abu Ubaya est contradictoire dans ses annotations concernant les hadiths rapportés au sujet du faux messie dans le livre Al-Fitan wal-Malahim d'Ibn Kathir, rahimahullah, à propos de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est écrit entre ses yeux kafir, le lira quiconque répugnera ses actes ou le lira tout croyant. Et sa parole sallallahu alayhi wa sallam, apprenez que personne d'entre vous ne verra son Seigneur jusqu'à ce qu'il meure. Abu Ubaya dit, ceci confirme le mensonge du faux messie dans sa prétention à la seigneurie qu'Allah l'avilisse, le saisisse de sa colère et sa malédiction. Ici, il estime que le faux messie est une personne réelle qui prétendra à la seigneurie. De plus, il invoque contre lui le courroux et la malédiction. Ailleurs, il réfute que le faux messie soit réel. Ce n'est qu'un symbole pour le mal et la tentation. Il ne fait aucun doute que c'est une contradiction flagrante de sa part. J'espère que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'applique pas sur ces négateurs de l'apparition du faux messie. Il y aura après vous des gens qui démentiront la lapidation, le faux messie, l'intercession, le châtiment de la tombe et le fait que des gens sortiront de l'enfer après y avoir été brûlés. Rapporté par Ahmed dans son Mousned. Nous verrons, en parlant de ses pouvoirs, de l'ordre de demander la protection contre son épreuve et de sa mort, la preuve claire qu'il s'agit d'un homme réel. Les prodiges du faux messie sont réalité. Nous avons déjà vu certains prodiges accordés au faux messie en ayant parlé de son trouble. Ces prodiges sont des faits réels, il ne s'agit pas d'illusions et de tromperies, comme les prétendent certains savants. Ibn Kathir mentionne d'après Ibn Hazm et At-Tahawi qu'ils disent que les prodiges du faux messie ne sont pas réalité. Il mentionne aussi d'après Abu Ali al-Juba'i, le cheikh des Mu'tazilites, qu'il a dit « Il n'est pas permis que cela soit également une réalité, afin que le prodige du sorcier ne soit pas assimilé au prodige du prophète. » Par la suite est venu le cheikh Rashid Rida, qui réfute les prodiges du faux messie, il prétend que cela va à l'encontre des lois instaurées par Allah dans sa création. En parlant des hadiths du faux messie, il dit « Les prodiges qui y sont mentionnés ressemblent aux plus grands signes avec lesquels Allah a soutenu les messagers doués de fermeté ou les dépasse, ce qui est vu comme une équivoque comme disent certains savants de la dialectique. Certains savants du hadith voient cela comme une innovation de leur part. On sait qu'Allah Azawajel ne leur a accordé ces miracles que pour guider ses créatures qui est l'implication du fait que sa miséricorde dépasse sa colère. Alors, comment le faux messie aurait-il les plus grands prodiges pour troubler la grande majorité de ses serviteurs? Parmi ces versions, il y a qu'il apparaîtra à la terre entière en 40 jours sauf à la Mecque et Médine, jusqu'à ce qu'ils disent « Les prodiges qui sont mentionnés à son égard sont contraires aux lois d'Allah dans sa création. Il est confirmé dans les textes coraniques clairs qu'il n'y a nul changement dans sa loi ni altération. » Aussi, ces versions confuses et contradictoires ne sont pas valables pour spécifier ces textes clairs ni pour aller à leur encontre. Il argumente au sujet de la contradiction des hadiths du faux messie en disant que certaines versions, comme nous l'avons vu, mentionnent qu'il a à sa disposition des montagnes de pain, des rivières d'eau et de miel et qu'il a un jardin et un feu, etc. Ceci contredit le hadith qui se trouve dans les deux sahihs d'après Al-Mughira ibn Shorba, radiyallahu anhu. Personne n'a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du faux messie comme je l'ai questionné. Il m'a dit « Qu'est-ce qui te gêne à son propos ?» Je répondis « Car ils disent qu'il a à sa disposition des montagnes de pain et une rivière d'eau. » Et lui de dire mais il est plus vil pour Allah que cela. Parmi ceux qui ont réfuté les prodiges du faux Messie se trouve aussi Abu Ubayy. Il dit en annotation des hadiths rapportés à ce sujet, « Est-ce que la majorité des gens pourraient résister à ce trouble immense ? Il donne la mort et ressuscite en présence des gens. Puis Allah plongerait des serviteurs en enfer car ils ont été troublés par lui ? Allah, gloire et pureté à lui, est trop indulgent et miséricordieux envers ses serviteurs que pour leur envoyer une telle affliction, face à laquelle ne peut résister que celui qui a obtenu une part sans limite de fermeté dans la foi et de force de conviction. » Le faux Messie et n'importe quel imposteur est trop vil pour Allah que pour l'envoyer contre sa création, le dotant de ses armes dangereuses et destructrices, ébranlant la conviction et la religion dans le cœur de la majorité des gens. La réfutation de ceci consiste en ce qui suit. Les hadiths mentionnant les prodiges du faux Messie sont confirmés et authentiques. Il n'est pas permis de les rejeter ou de les interpréter suite aux équivoques qui ont été cités. Il n'y a nulle contradiction entre eux. Ce sur quoi s'est basé Rachid Rida, à savoir que le hadith d'Al-Mughira se trouvant dans les deux sahih contredit les hadiths du faux messie, on y répondra en disant que les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Il est plus vil pour Allah que cela » signifie « Trop vil que pour ce qui provient du faux messie comme prodige égare les croyants et jette le doute dans leur cœur. » Au contraire, c'est pour donner plus de foi à ceux qui ont cru et que doutent ceux dont le cœur est malade. Cela est semblable aux propos que formulera celui qui tuera le faux messie. Je n'ai jamais été plus clairvoyant à ton sujet qu'aujourd'hui. Aussi, les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Il est plus vil pour Allah que cela » ne signifie pas qu'il n'aura aucun de ses pouvoirs, mais qu'il est trop vil pour que quoi que ce soit de cela ne constitue une preuve de sa véracité. Surtout qu'il y a un signe apparent indiquant son mensonge et son incroyance que tout musulman lira, alphabet ou non, en plus des manifestations de son mensonge et de ses défauts, comme nous l'avons vu lors de sa description. Si nous acceptons de dire que le hadith est à prendre dans son sens apparent, alors les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet ont été dits avant qu'il n'ait reçu la révélation concernant ses prodiges. La preuve est qu'Al-Mughira, radhiyallahu an, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent qu'il a à sa disposition. Et il n'a pas dit, tu as dit ceci et cela à son sujet. Par la suite, la révélation est descendue pour montrer les prodiges et signes qui seront à la disposition du faux messie. Donc, nulle contradiction entre le hadith d'Al-Mughira et les hadiths du faux messie. Les prodiges du faux messie sont réels. Ce ne sont ni des illusions, ni des tromperies. Ces prodiges sont des faits qu'Allah lui a accordés afin de troubler et d'éprouver les serviteurs. En outre, il n'est pas possible de comparer le faux messie au prophète, car il n'est pas mentionné qu'il prétendra à la prophétie lorsque ses prodiges se manifesteront. Ceux-ci apparaîtront lorsqu'il prétendra à la seigneurie. Le fait que Rachid Rida estime invraisemblable que le faux Messie se manifestera dans toute la terre en 40 jours, sauf la Mecque et Médine, n'est étayé par aucune preuve. C'est même le contraire qui est prouvé, car il est rapporté dans une version de Muslim que certains jours passés par le faux Messie équivaudront à une année, d'autres à un mois et d'autres à une semaine, comme nous l'avons vu. Les prodiges accordés au faux Messie ne contredisent en rien les lois universelles d'Allah. Si nous prenions les propos de Rachid Rida à la lettre, nous devrions rejeter les miracles des prophètes, car ils contredisent les lois universelles d'Allah. Ce qui se dit pour les miracles des prophètes, à savoir qu'ils ne contredisent en rien les lois d'Allah, se dit aussi pour les prodiges à disposition du faux Messie pour troubler, tester et éprouver. Si nous concédons que les prodiges du faux Messie contredisent les lois universelles d'Allah, nous disons tout de même qu'à l'époque du faux Messie, les habitudes seront altérées, des événements graves se produiront, annonçant la destruction du monde, la disparition de l'univers et la proximité de l'heure. Si sa manifestation durant une époque de trouble est une chose qu'Allah a voulu, on ne doit pas dire qu'Allah est trop indulgent envers ses serviteurs que pour les troubler par ses prodiges. Il est l'indulgent, le parfaitement informé, mais sa sagesse veut que les serviteurs soient éprouvés par cela. Il les a avertis et mis en garde contre cela. Après cela, je crois qu'il convient ici de mentionner une partie des propos des grands savants quant à l'affirmation des prodiges du faux Messie, qu'il s'agit de faits réels dont Allah a fait une épreuve et un test pour les serviteurs. Al-Qadhi Iyad, rahimahullah, dit « Ces ahadiths cités par Muslim et d'autres concernant le faux Messie sont une preuve de la vie des gens de la vérité quant à la confirmation de son existence, qu'il s'agit d'un homme réel par lequel Allah troublera ses serviteurs, à qui il a donné des choses qui sont du pouvoir d'Allah, telles que ressusciter un mort qu'il tue,

car il fera à ne pas douter son apparition dans cette communauté, vu que c'est la dernière des communautés et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Voici quelques recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté afin de surmonter cette grande épreuve dont nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger et de nous épargner. Se rattacher à l'islam, s'armer de foi et connaître les noms et attributs parfaits d'Allah qui lui sont propres. Ainsi, on saura que le faux messie est un humain qui mange et qui boit, tandis qu'Allah en est exempt. Le faux messie est borgne, tandis qu'Allah n'est pas borgne, et personne ne verra son Seigneur avant la mort. Par contre, les gens verront le faux messie au moment de son apparition, aussi bien les croyants que les mécréants. Demandez protection contre l'épreuve du faux messie, notamment dans la prière. Des hadiths authentiques mentionnent cela. Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invoquait dans la prière « Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa a'udhu bika min fitnat al-masih al-dajjal. Ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre le châtiment de la tombe et je cherche protection auprès de toi contre l'épreuve du faux messie. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqas, radiyallahu anhu, rapporte « Sa'd ordonnait cinq choses. Il les attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il les ordonnait. Parmi celles-ci, le fait de dire « Et je cherche protection auprès de toi contre l'épreuve de la vie d'ici-bas », c'est-à-dire l'épreuve du faux messie. Désigner le faux messie en donnant le nom de vie d'ici-bas souligne le fait que l'épreuve du faux messie est la plus grande épreuve qui aura lieu sur terre. Abu Huraira radiallahu an rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait « Lorsque l'un de vous fait le tashahud, qu'il cherche protection auprès d'Allah contre quatre choses en disant « Ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre le châtiment de la géhenne, contre le châtiment de la tombe, contre l'épreuve de la vie et de la mort et contre le mal de l'épreuve du faux messie. « Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam wa min azab al-qabr » « Wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min sharri fitnatil masih al-dajjal. » L'imam Taous ordonnait à son fils de recommencer sa prière s'il ne disait pas cette invocation durant la prière. Cela prouve l'assiduité des anciens à enseigner à leurs enfants cette invocation sublime. As-Safarini dit « Il incombe à tout savant de propager les ahadiths du faux messie aux enfants, aux femmes et aux hommes. » Et il est rapporté que parmi les signes annonciateurs de sa venue figure le fait d'oublier de parler de lui sur les mimbars. Il rajoute « Surtout à notre époque, durant laquelle les troubles se sont propagés, les malheurs multipliés, les enseignements de la sunna ont dépéri, les pratiques prophétiques devenues des innovations, et les innovations une législation à suivre. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah, le Très-Haut, le Sublime. » Étudiez des versets de la sourate Al-Kahf. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de réciter le début de la sourate Al-Kahf en présence du faux messie. Dans d'autres versions, il est question de la fin. Ainsi, il faut réciter les 10 premiers versets ou les 10 derniers. Dans le long hadith d'An-Nawas ibn Sam'an, radhiyallahu an, on retrouve « Que celui donc parmi vous qui le rencontre, lise en sa présence les premiers versets de la sourate Al-Kahf, rapporté par Muslim. » Abu Darda, radhiyallahu an, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque retient 10 versets du début de la sourate Al-Kahf sera protégé du faux messie, c'est-à-dire de son épreuve. Shu'ba dit de la fin d'Al-Kahf et Hammam dit du début d'Al-Kahf. Rapporté par Muslim. An-Nawawi rahimahullah dit la raison en cela est les prodiges et les signes évoqués à son début. Celui qui les médite ne sera ainsi pas troublé par le faux messie. Il en est de même pour la fin. Quand Allah Azawajel dit « Ceux qui n'ont pas cru, comptent-ils donc pouvoir prendre ?» jusqu'à la fin du verset. C'est l'une des spécificités de la sourate Al-Kahf. Il y a des ahadiths qui encouragent à la réciter, surtout le jour du vendredi. Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite la sourate Al-Kahf le jour du vendredi, cela lui procurera une lumière entre les deux vendredis. » Rapporté par Al-Hakim. Il ne fait aucun doute que la sourate Al-Kahf est d'une grande valeur. Elle contient des versets ahurissants, tels le récit des gens de la caverne, le récit de Moussa avec Al-Khadir, le récit de Dhul-Qarnayn, et sa construction de l'immense remblai emprisonnant Ya'juj et Ma'juj, l'affirmation de la résurrection, du rassemblement et du soufflement dans la trompe, la preuve de la perte de ceux qui se croient sur le droit chemin alors qu'ils sont dans l'égarement et l'aveuglément. Il incombe ainsi à chaque musulman de veiller à réciter cette sourate, de l'étudier et de la répéter, surtout durant le meilleur des jours, le jour du vendredi. Fuir le faux Messie et s'éloigner de lui, le meilleur étant d'habiter la Mecque ou Médine. Nous avons vu que le faux Messie n'entrera pas dans ces deux lieux sacrés. Il convient donc aux musulmans, lorsque le faux Messie se manifestera, de s'éloigner de lui à cause des équivoques et des faits extraordinaires manifestes dont il dispose et qu'Allah lui a donné afin d'éprouver les gens. C'est ainsi qu'un homme, pensant être croyant et affermi, se présentera au faux Messie puis le rejoindra. Nous demandons à Allah de nous protéger de son épreuve, ainsi que tous les musulmans. Imran ibn Hussein, radiyallahu an, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui entend dire que le faux Messie est là, qu'il s'éloigne de lui. Par Allah, l'homme ira à sa rencontre pensant qu'il est croyant, pourtant il le suivra à cause des équivoques qu'il présentera ou vu les équivoques qu'il présentera. » La citation du faux Messie dans le Coran. Les savants se sont interrogés sur la raison pour laquelle le faux Messie n'a pas été mentionné clairement dans le Coran, malgré la gravité de son épreuve, l'avertissement des prophètes contre lui et l'ordre de demander protection contre son épreuve dans la prière. Ils ont répondu à cela en donnant plusieurs réponses, dont « Il est cité parmi les signes mentionnés dans sa parole » يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi à lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Sourate Al-An'am, verset 158. Ces signes sont en fait le faux Messie, le lever du soleil de son couchant et la bête. Ce sont eux qui sont cités dans l'exégèse de ce verset. Abu Huraira radiallahu an rapporte en effet que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il est trois choses qui, lorsqu'elles apparaîtront, la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Le lever du soleil de son couchant, le faux Messie et la bête issue de la terre. » Rapporté par Muslim. Le Coran a mentionné la descente de Isa alayhi salam, et Isa est celui qui tuera le faux Messie. Il s'est donc contenté de citer le Messie de la guidée plutôt que le Messie de l'égarement. De plus, les Arabes ont l'habitude de se limiter à la citation de l'un des deux opposés, pas l'autre. Il est en fait cité dans ce verset, où Allah dit « La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. » Surat al-Ghafir, verset 57. La parole « des gens » désigne ici le faux Messie, citant ainsi une généralité pour désigner une particularité. Abu al-Aliya rahimahullah dit « C'est-à-dire plus grand que la création du faux Messie lorsque les Juifs le considérèrent. » Ibn Hajar rahimahullah dit « Ceci, si cela se confirme, est la meilleure des réponses et cela fait partie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est chargé d'expliquer et la science est auprès d'Allah. » Le Coran n'a pas cité le faux Messie par mépris à son égard, car il prétendra à la seigneurie alors qu'il n'est qu'un humain dont le cas est contraire à la majesté du Seigneur, sa grandeur, sa perfection et son exemption de défaut. C'est pour cela, étant si méprisable et insignifiant pour Allah, qu'il n'est pas cité. Toutefois, les prophètes ont mis en garde contre lui, ont montré son danger et son épreuve. Nous avons vu que chaque prophète avait mis en garde sa communauté contre lui et contre son épreuve. Si on objecte que Pharaon est cité dans le Coran, bien qu'il ait prétendu à la seigneurie et à la divinité, on dira que le cas de Pharaon est réglé et fini. Il a été cité comme leçon pour les gens, mais le cas du faux Messie n'aura lieu qu'à la fin des temps. Ainsi, il n'a pas été cité pour que cela soit une épreuve, car sa prétention à la seigneurie est tellement manifeste qu'elle ne mérite même pas que sa fausseté soit démontrée. En effet, l'imperfection et le blâme du faux Messie sont évidents. Il est plus insignifiant et inférieur au rang auquel il prétend. Alors Allah ne l'a pas cité, vu qu'il sait de ses serviteurs croyants que quelqu'un de tel ne leur fait pas peur et ne leur rajoute que plus de foi et de soumission à Allah et son messager. C'est dans ce cadre que le jeune que tuera le faux Messie répondra « Par Allah, je n'ai jamais été aussi clairvoyant à ton propos qu'aujourd'hui. » En outre, une chose peut ne pas être citée lorsque celle-ci est claire, Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant la maladie qui précéda sa mort, renonça à consigner par écrit le droit au califat d'Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu an, car il était manifeste, vu le haut rang d'Abu Bakr, radiyallahu an, auprès des compagnons. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mais Allah refuse de même que les croyants que cela soit un autre qu'Abu Bakr. » Ibn Hajar, rahimahullah, cita que la question de la citation du faux messie dans le Coran demeure, car Allah Jalla Jalalu a bien mentionné Yajuj et Majuj dans le Coran. Or, leur épreuve est proche de celle du faux messie. Quoi qu'il en soit, il est probable que la première réponse soit la plus proche de la vérité. Et Allah Azawajal sait mieux. De ce fait, le faux messie fut cité indirectement dans certains versets, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est chargé de détailler cette généralité. La mort du faux messie. C'est Isa ibn Maryam, alayhi salam, qui tuera le faux messie, comme l'indiquent les hadiths authentiques. Le faux messie se manifestera sur la terre entière, sauf la Mecque et Médine, ses partisans seront nombreux et son trouble se propagera, seule une minorité parmi les croyants y échappera. C'est à ce moment que Isa ibn Maryam, alayhi salam, descendra sur le minaret blanc à l'est de Damas. Les serviteurs croyants d'Allah se regrouperont autour de lui et il les guidera à la recherche du faux messie. Lors de la descente de Isa, le faux messie se dirigera du côté du temple éloigné de Jérusalem. Isa le rattrapera près de la porte de Loud, et lorsque le faux messie le verra, il fondra tel le sel dans l'eau. Isa alayhi salam lui dira « J'ai un coup à t'asséner auquel tu n'échapperas point ». Donc il le rattrapera et le tuera de sa lance. Ses partisans seront mis en déroute et les croyants les poursuivront et les tueront à tel point que l'arbre et la pierre diront « Ô musulmans, ô adorateurs d'Allah, voici un juif derrière moi, viens le tuer !» Sauf le Rarqad qui est un arbre des juifs. Voici quelques ahadiths relatant la défaite du faux messie et de ses partisans. Abdullah ibn Amr, radiyallahu an, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le faux messie se manifestera à ma communauté. C'est alors qu'Allah enverra Isa ibn Maryam qui ressemble à Urwa ibn Mas'ud, il le cherchera et le tuera. » Mujama' ibn Jariya al-Ansari, radiyallahu an, rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Le fils de Maryam tuera le faux messie à la porte de Loud. An-Nawas ibn Sam'an, radiyallahu an, dans son long récit concernant le faux messie, la descente de Isa et le fait qu'il tuera le faux messie rapporte Alors, il incombera à tous mes créants sentant l'odeur de sa respiration de mourir, tandis que sa respiration s'étendra là où s'étend sa vue. Ainsi, il le cherchera jusqu'à le rattraper à la porte de Loud et le tuera. Jabir ibn Abdillah, radiyallahu an, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le faux messie sortira à un moment de faiblesse de la religion et d'éloignement du savoir. C'est alors que descendra Isa ibn Maryam, alayhi salam, qui criera au matin « Ô gens, qu'est-ce qui vous empêche d'aller combattre ce menteur ignoble ? C'est un homme démoniaque, répondront-ils. Ils partiront et verront qu'il s'agit de Isa ibn Maryam. On fera l'appel à la prière et on lui dira « Avance au esprit émanant d'Allah, et lui de répondre « Que votre imam s'avance et dirige votre prière. » Après avoir accompli la prière du Subh, ils iront à sa rencontre, et lorsque le menteur le verra, il se dissoudra tel le sel dans l'eau. Il ira à lui et le tuera à tel point que l'arbre et la pierre crieront « Ô esprit émanant d'Allah, voici un juif !» Ainsi il ne laissera aucun de ceux qui le suivirent sans le tuer. Avec sa mort, qu'Allah le maudisse, sa grande épreuve prendra fin. Allah Azawajel épargnera de son mal et du mal de ses partisans ceux qui ont cru, par le biais de l'esprit émanant d'Allah et sa parole, Isa ibn Maryam, et ses partisans les croyants. À Allah Azawajel la louange et la grâce.